Prononciation, exercice 21. Opposition on, en. Écoutez. Ce qu'on peut tirer de notre expérience. Aller droit au but. Répétez. Comment? En soignant la rédaction. En pensant à la sélection. En condensant l'information. En prenant en compte le temps d'attention.